alegrome ou mélancolie. Et il y a comme une pour les souvenirs. Les petits jolis nous marchent, on nous voit l'avenir. Voyez mon temps, où les contacts, voyez mon temps, où les contacts, voyez mon temps.